La filière. Une enquête de Philip Sounds. Écrite et racontée par Philip Sounds. Adaptation, India Boucrel et Florence Martin-Kessler. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Philip Sounds a enquêté pendant plus de 10 ans sur Otto Wächter, un ancien nazi responsable du massacre de milliers de juifs de 1942 à 1945 qui a échappé à la justice. L'homme qui a recruté les officiers nazis pour les services secrets américains s'appelle Thomas Lessig. Il a participé à la création de la CIA. Tous les anciens nazis embauchés par les renseignements américains ont ensuite été blanchis. Dixième et dernier épisode, plus blanc que blanc. Par un bel après-midi de janvier 1974, Charlotte Wächter sort de chez elle. Elle a 66 ans, elle a élevé seule ses 6 enfants. Pour gagner sa vie, elle a créé une école de langue dans sa maison à Salzbourg, Haus Wartenberg. Mais la grande affaire de sa vie, c'est encore et toujours Otto. Aujourd'hui, elle enterre son mari pour la 4e fois. Elle prend les restes du défunt, qui sont dans une petite boîte. Elle attache une grande croix en bois sur le toit de sa voiture et elle prend une route de montagne qui la conduit au cimetière de Fieberbrunn, la petite ville où elle possède une maison. Un prêtre est là. Elle enclenche un magnétocassette. Prions, Seigneur Jésus, nous te demandons de bénir cette tombe et d'envoyer tes anges veiller sur elle. Nous mettons en terre notre frère, Otto Gustav, et te demandons de libérer son âme du péché. Tu as infligé à l'homme qui s'est détourné de tes commandements une juste punition dans la mort. Toi qui as promis le paradis aux voleurs repentants, nous te demandons de ressusciter notre frère dans le bonheur éternel. Cela fait 25 ans qu'Otto Wächter est mort à Rome. Charlotte lui a porté un amour tel qu'il a fini par transformer sa perception de la réalité, puis la réalité elle-même. Console-nous de notre douleur par la foi et le désir de revoir notre frère dans l'espoir d'une vie éternelle. Amen. Je m'appelle Philip Sands et vous écoutez La Filière. Document numéro 000508 du registre central des criminels de guerre. Date des crimes, 1942-1945. Lieu, Lemberg. L'intéressé est responsable de massacres, d'assassinats et d'exécutions commis sous son commandement alors qu'il était gouverneur de Galicie. Noël est dans quelques jours, il fait un froid glacial. Ça fait 1 an que je n'ai pas vu Horst chez lui. Je me réjouis de le revoir, comme à chaque fois. Il me touche. On a développé, au fil des années, une sorte de compagnonnage unique au monde peut-être, poussé tous les deux, mais pour des raisons opposées, par cette quête autour de la vie, puis de la mort, d'un homme au Vatican. Je prends l'allée qui mène au Schloss, ce château fort, austère, isolé. Et là, une surprise. Les douves ont été défrichées. Il y a de l'eau dedans. Il y a même des décorations de Noël, un sapin. Inutile de frapper. Il suffit de franchir l'énorme porte en bois et de se diriger vers la cuisine. C'est la seule pièce du Schloss où il fait toujours chaud. Et c'est là que Horst passe son temps. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y est pas. Ah, le déjeuner pressé, adorable. Horst doit être à l'étage. Quel changement. L'été dernier, Dario, un des neveux de Horst, a emménagé au château pour s'occuper de son entretien. Horst, salut. Horst s'est réinstallé à l'étage, dans la chambre qu'il occupait avec sa femme Jacqueline, avant qu'elle ne tombe malade et ne puisse plus monter l'escalier. Là, il a ses livres, un bureau et ses photos de famille. Tout à gauche, contre le mur, un lit, à côté duquel il a accroché trois photos. Une de son père, une de son parrain, Arthur Seyss Inquart, et plus haut, une de son grand-père, le général Josef Richter. Trois hommes qui dominent son univers. Je connais Horst depuis plusieurs années, et ce qui me frappe, encore et toujours, c'est le temps qu'il consacre à ses parents, morts depuis si longtemps. Il n'a jamais vécu avec son père, ou si peu. L'homme dont il défend si farouchement la mémoire, il ne le connaît que par procuration, à travers sa mère. Otto était sensible et joyeux, l'optimisme incarné. C'était un homme qui aimait faire le bien autour de lui. Ça l'a parfois rendu malade de devoir obéir aux ordres, d'exécuter des tâches quand il était soldat ou gouverneur. Jusqu'au bout, il a refusé de transiger avec sa conscience. Mais il est arrivé qu'il ne puisse vraiment pas faire ce qui était juste. C'est évidemment pour sa mère, Charlotte, que Horst continue à remuer le passé, à vouloir peut-être non pas le réécrire, mais l'éclairer d'une lumière qui soit le plus favorable possible à son père nazi. Charlotte était dans cette démarche mémorielle, elle aussi. Quand elle a eu 70 ans, en 86, elle a décidé de consigner pour ses enfants l'histoire de sa vie. Elle a enregistré des cassettes audio où elle a raconté le couple qu'elle formait avec Otto, leur amour inébranlable. Elle avait également conservé les bandes de son interview par le journaliste Hans-Jakob Stelle, qui s'intéressait lui aussi aux circonstances exactes de la mort d'Otto. Voici des extraits de cette interview que personne, pas même la famille Wächter, n'avait jamais entendu. On a tous un côté lumineux et un côté sombre. On a tous un cœur plein de soleil, mais aussi plein d'obscures noirceurs. Il ne faut voir que le meilleur chez autrui. Tout ce qui nous arrive est envoyé par Dieu. On est souvent découragé par les fardeaux que la vie nous oblige à porter comme une croix. On s'effondre, on ne peut plus avancer, on croit qu'on va mourir. Tout ça parce que la vérité est parfois inaudible pour le plus grand nombre. Mais on n'a jamais voulu faire le mal. On n'a jamais voulu faire le mal. C'est peut-être un peu léger comme mea culpa. Charlotte voulait croire que son mari était un homme bon, un homme juste. Elle voulait que cette image passe à la postérité. Ma mère a toujours voulu que les médias publient des articles sur mon père. Elle cherchait des gens, des journalistes, pour travailler sur tous ces documents. C'est pour ça qu'elle les a gardés, sinon il n'y aurait plus rien ici. J'ai trouvé dans le journal intime de Charlotte, à la date du 15 mars 78, un passage qui glace le sang. Pas de remords, pas de regrets, juste la nostalgie du bon vieux temps. Je viens d'allumer la télé pour regarder les images de l'entrée d'Hitler dans Vienne, diffusée à l'occasion du 40e anniversaire de la proclamation de l'Anschluss. Quelle joie. Merci Dieu de m'avoir fait vivre ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une première de voir ces extraits de la foule euphorique diffusée à la télévision, avec cette clameur que j'entends encore, qui résonnait sur la Heldenplatz, place des héros, le 15 mars 38. Et ce bonheur indicible, partagé avec mon mari, traversé que nous étions par la déferlante de Heil Hitler et de chants militaires. Cet idéal, cette promesse portée par Hitler, le rétablissement du grand empire germanique. On y a tellement cru. On l'a tellement voulu. Quand j'ai revu les images, j'étais au bord des larmes. Mais je ne vous ai pas raconté comment Charlotte s'est retrouvée à enterrer son mari dans un cimetière de montagne dans le Tyrol autrichien, 25 ans après sa mort au Vatican. Que s'est-il passé ? Monseigneur Oudal avait recueilli les dernières volontés d'Otto mourant, Il voulait être enterré chez lui. Charlotte tente donc de rapporter le corps de son mari en Autriche, mais les autorités italiennes refusent. Pas question de sortir le cadavre d'Otto Wächter d'Italie. En 49, il est donc enterré à Rome. En 59, Charlotte finit par obtenir une autorisation d'exhumation pour transférer le corps à Palerme, en Sicile, où vivait une de leurs filles. Mais elle a menti. Et donc, ils ne sont jamais arrivés à Palerme. Jamais. Elle est rentrée en Autriche. Oui. En douce. Exactement. Clandestinement. Clandestinement. Pendant 14 ans, Charlotte a conservé les restes d'Otto dans une boîte. Dans la maison. Dehors. Il y avait une statue de saint, je crois. Après 14 ans passés dans le jardin de Charlotte, Otto Wächter est enterré au cimetière de Fieberbrunn. Mais Horst veut à présent déterrer le cercueil de son père. Il est persuadé que l'analyse des restes permettra de prouver qu'Otto a été empoisonné. Il faut l'exhumer. Comme ça, tu trouveras des traces de poison dans les os. Je crois qu'on en trouverait encore dans 500 ans. L'idée est tentante. Nous décidons de nous renseigner sur la procédure. En fait, on n'exhume pas un corps aussi facilement que ça. Il faut de nombreuses autorisations. Et puis, cela a un coût. Osman, l'homme à tout faire de Horst, nous dit qu'il connaît des gens et propose de faire établir un devis all-inclusive pour l'exhumation, le test ADN et la recherche de traces de poison. Il finit par revenir vers nous avec un chiffre de 12 000 euros. C'est cher, mais j'ai envie de découvrir la vérité. Mais avant ça, je veux m'assurer que j'aurai bien la réponse à la question qui m'occupe. Restera-t-il des traces de poison ? Il y a certains poisons qui laissent des traces dans les tissus. Sublack enseigne l'anthropologie biologique à l'université de Dundee, en Écosse. S'il y a une personne au Royaume-Uni qui sait si je pourrais trouver dans les ossements d'Otto les traces du poison qu'il aurait ingéré 10 jours avant sa mort, lors d'un déjeuner entre amis ou ennemis, qui s'est déroulé il y a plus de 70 ans, c'est bien elle. Vous me dites que les seuls tissus dont vous disposez sont des os. Compte tenu du taux de renouvellement des cellules osseuses, il est impossible de retrouver dans les os des traces du poison s'il a été ingéré 2 semaines plus tôt, parce que les cellules ne se renouvellent pas assez rapidement. Impossible donc de détecter un poison dans l'os compact si l'empoisonnement a eu lieu 2 semaines avant le décès. Autrement dit, si Otto a ingéré du poison le 2 juillet, l'analyse des os ne permettra pas de le prouver. Par le passé, quand on cherchait des indices d'empoisonnement, on analysait un échantillon de cheveux ou d'ongles. La vitesse de croissance des cheveux et des ongles, là encore, fait qu'un délai de 2 semaines ne permet pas de retrouver l'empreinte chimique d'un poison. Et puis, il faut se poser une autre question. Le poison a-t-il été administré en une seule fois, 2 semaines auparavant, ou en toute petite quantité sur une plus longue durée ? Plus la mort intervient vite après l'administration éventuelle d'un poison, moins on a de chances d'en retrouver des traces. Nous n'avons aucune preuve que le poison, si poison il y a eu, ait été administré en une ou plusieurs fois. Ça ne veut pas dire que Otto n'a pas été empoisonné, seulement que l'exhumation de ses ossements ne prouvera probablement rien. Mais alors, est-ce que les symptômes d'Otto, fièvre, jaunisse, défaillance multiple des organes et un cadavre tout noir sont caractéristiques d'un empoisonnement ? Pour l'instant, très franchement, Ça ne m'évoque pas un empoisonnement. Massimo Pinzani est professeur de médecine. Sa spécialité, l'hépatologie. Une fièvre élevée est la manifestation d'une forte réaction immunitaire. Ça ressemble beaucoup à une infection. Avec du poison, on peut devenir jaune et mourir, mais c'est tout. On n'a pas forcément de la température. Le professeur Pinzani est italien et connaît bien la période qui nous intéresse. Je lui montre le dossier médical et certaines lettres d'Otto. J'ai bien réfléchi et il y a trois possibilités. Dans les trois cas, ce sont des infections. La première qui m'est venue à l'esprit, c'est le typhus. Mais plusieurs symptômes étaient absents et la seule chose qui m'y a fait penser, c'est la fièvre. Ensuite, il y a l'hépatite A. Ça peut se justifier par le fait qu'il soit allé nager dans le Tibre ou le lac d'Albano. Le problème est que le délai d'incubation est d'une dizaine de jours. Par conséquent, ça ne colle pas avec la baignade et le déjeuner à Castel Gandolfo. Mais il a pu se baigner dans le Tibre 10 jours plus tôt. Exactement, d'où ma question. Le fleuve n'est pas très loin, mais l'eau est marron. On m'a déconseillé de me baigner parce que dans le sud de la ville, le fleuve transporte toutes les eaux usées. Ce qui infirme l'hypothèse de l'hépatite A, c'est qu'à la fin, le tableau clinique est trop complexe pour une simple infection du foie. Par exemple, comment expliquer l'insuffisance pancréatique? En plus, il est probablement mort d'insuffisance respiratoire. Et donc, on arrive à la troisième possibilité, la leptospirose ictéro-hémorragique ou maladie de Weill, qui correspond à tous les symptômes. C'est une infection endémique dans de nombreuses villes, particulièrement en Italie. Ce n'est pas rare de voir arriver un cas de leptospirose à l'hôpital. La leptospirose est transmise par l'urine de rat et s'attrape dans les zones d'eau stagnante ou souillée des lacs et des fleuves. Par exemple, le Tibre. Dans 90% des cas, c'est une maladie relativement bénigne. Ça ressemble beaucoup à une mauvaise grippe, rien de plus. En revanche, dans les 10% restants, la maladie prend une forme très grave, voire mortelle, surtout si le patient n'est pas traité pour une possible défaillance multiviscérale. Massimo Pinzani m'explique qu'une des caractéristiques de la leptospirose est la formation de caillots dans le sang. Ces caillots finissent par se rompre sous la peau, provoquant la décomposition progressive de l'organisme. Ça entraîne une oxydation de l'hémoglobine et le sang devient noir. Le fait que le corps soit devenu noir à un stade précoce est dû à l'hémorragie sous-cutanée. On peut donc supposer que cette hémorragie était généralisée. C'était la phase terminale. Et ça correspond parfaitement à la leptospirose. Oui. Je demande à Massimo Pinzani s'il est possible que quelqu'un ait inoculé cette maladie à Otto Wächter. Ça aurait été assez compliqué. C'est faisable, mais il faut avoir accès à un laboratoire bactériologique où on cultive des leptospires. Et aussi que la substance soit ingérée dans un liquide qui ne dépasse pas 40 degrés. Je suppose que si on avait voulu l'empoisonner, on ne se serait pas amusé à verser une culture de Leptospira japonica dans son café. On aurait choisi un moyen beaucoup plus simple. Donc, l'empoisonnement à la leptospirose, c'est non. S'il est mort de cette maladie, Otto Wächter serait bien mort naturellement. J'annonce la nouvelle à Horst, qui n'est pas ravi. Ce n'est pas très glorieux de mourir d'une maladie transmise par l'urine de rongeur, qu'on appelle d'ailleurs la maladie du rat. Horst envoie un mail à un historien amateur que nous avions rencontré à Rome. Il lui écrit « Est-il vrai qu'on pouvait attraper la leptospirose dans le Tibre en 49 ?» La réponse ne se fait pas attendre et enchante Horst. Aucun des enfants qui se baignaient dans le fleuve à cette époque n'est tombé malade. Pour Horst, c'est une preuve suffisante. Horst, on se connaît depuis 5 ou 6 ans. On a toujours été très ouverts, l'un avec l'autre. Comment vois-tu notre relation aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, notre relation a évolué. C'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit, ce type me fait perdre mon temps. Et puis ma famille m'a mis en garde. Il se sert de toi, ce qui l'intéresse, c'est son histoire à lui, etc. Et je crois que tu es plus subtil, plus... Je pensais que tu pourrais changer d'avis et faire du chemin. Je crois que tu n'es plus le même qu'au début, surtout quand j'entends tes questions. Je trouve que notre relation a progressé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça m'intéresse. Je pense que le courant passe bien entre nous. Je suis content que tu sois venu me poser des questions et que tu t'intéresses toujours à cette histoire. Je sais bien que si Horst a accepté de témoigner, c'est dans l'espoir de me faire changer d'avis sur son père. Moi et le maximum de gens à travers moi. Il espérait que je retrouverais quelque part une archive, un indice, une preuve qui montrerait qu'Otto Wächter avait été un bourreau malgré lui, ou bien qu'il avait joué un rôle essentiel dans la lutte contre les soviétiques. Ou même qu'il avait été assassiné par les méchants communistes. Ou toute autre chose qui, aux yeux du fils, rachèterait le crime du père. Mais je n'ai rien trouvé. Pour Horst, c'est que je n'ai pas assez bien cherché. Mais la vérité, vous la connaissez aussi bien que moi, c'est que rien ne pourrait racheter les crimes d'Otto Wächter. J'en profite pour parler à Horst de quelque chose que j'ai trouvé au milieu des archives familiales que Horst a si généreusement mise à ma disposition. C'est une page imprimée qui n'aurait jamais dû se trouver là. C'est un email de Horst à son neveu Otto qui date de 2007. Tu te souviens de lui avoir écrit à Otto? Ton neveu Otto, tu lui avais écrit à propos d'une lettre de tes parents. Tu lui avais envoyé un mail très triste. Tu te rappelles? J'en ai une copie. La voilà. Cher N.O., neveu Otto, oui. Qu'est-ce que tu disais dans ce mail? Tu veux bien le traduire en anglais? D'accord. Je vais t'envoyer les deux lettres de ton grand-père que je voudrais comparer avec un des agendas de Himmler. Oui, Himmler notait tout dans ses agendas. Et ces documents le belasten, il montre. Non, belasten, ça veut dire créer des ennuis. Ils le compromettent. Tu ne peux pas le nier, il savait tout. Il a tout vu. Et dans le principe, il était d'accord. Aujourd'hui, je ne dirai pas ça. Voici la traduction exacte du mail de Horst. Mon cher neveu Otto, s'y joint deux lettres de ton grand-père que j'ai comparées avec l'agenda de Himmler. Elles l'incriminent plus que tout autre document que j'ai vu jusqu'à présent. À quoi bon maintenant? Il savait tout. Il a tout vu et dans le principe, il a accepté. Un oncle Horst bien triste. Horst fait allusion dans ce message aux documents que j'ai examinés avec Eli Rosenbaum et David Rich, les chasseurs de nazis du ministère de la Justice américain. Ça date de 2007. Évidemment, la première fois que j'ai lu ces lettres, ça m'a fait un choc. parce que mon père écrivait qu'il était d'accord avec Himmler. Est-ce que tu penses toujours la même chose aujourd'hui ? C'est différent aujourd'hui, parce que j'ai vu plein d'autres documents, et je n'affirmerai pas qu'il était très coupable. Je ne dirais pas que mon père a tué 800 000 juifs, par exemple. Combien faut-il de victimes pour que Horst reconnaisse la culpabilité de son père ? Pour moi, ton émission de radio va montrer le vrai caractère de mon père. Horst est revenu de notre voyage à Rome, convaincu que son père était une victime de la guerre froide, une victime de Staline, une victime des services secrets américains, pas un bourreau. J'ai fini par comprendre que Horst préfère s'attacher à une vérité, une seule, et qui ne dérange personne. Ses parents s'aimaient et aimaient leurs enfants. Ça lui semble plus acceptable que l'autre vérité, glaçante. La complicité de son père dans la mort de centaines de milliers d'êtres humains, mais aussi le silence de sa mère devant ses crimes contre l'humanité. Dans leurs lettres, ponctuées de tant de mots d'amour, Otto et Charlotte n'ont pas un remords, pas un regret. Comme s'il existait une réalité parallèle où tout ça, l'état policier, le régime génocidaire, la guerre mondiale, n'existait pas. Horst veut préserver cette fiction, entretenir de toutes ses forces le souvenir des jours heureux. Il s'emploie, comme tant d'autres, à blanchir le passé, à ne garder que certaines images, comme celle de son été de 42, au bord du lac Zell, dans la splendeur des montagnes autrichiennes. Après la diffusion du podcast en Angleterre, un des emails que j'ai reçus m'a beaucoup touché. Il était envoyé par Magdalena, la petite fille de Otto et Charlotte Wächter, la fille de Horst. Je suis arrivé à la conclusion que mon grand-père et ma grand-mère savaient parfaitement ce qu'ils faisaient et qu'ils ne l'ont jamais vraiment regretté. C'était La Filière, une enquête de Philip Sands. Écrite et racontée par Philip Sands. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Adaptation, India Boucrel et Florence Martin-Kessler. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Musique originale, Sekou Keïta et Catherine Finch. Avec Irène Jacob pour la voix de Charlotte Wächter. Lambert Wilson pour la voix de Otto Wächter. Et Horst Wächter à Hagenberg en Autriche, voix française, Emmanuel Ménard. Massimo Pinzani et Sue Black à Londres, voix française, Jean-Christophe Frech et Elsa Agnès. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Générique complet à retrouver sur franceculture.fr.